tous et bienvenue pour ce troisième échauffement à distance. Alors, je vous propose de nouveau de vous tenir droit, de vous tenir debout. On met là les jambes à la largeur des hanches. On détend un petit peu les épaules, on se tient bien droit. On décroise les bras. N'oubliez pas de décroiser les bras. Très bien. Alors, on va détendre la nuque aujourd'hui. Donc, je vous laisse faire des demi-cercles contre devant. On prend une lente respiration, on essaie de respirer pas trop rapidement. Si vous arrivez à trouver un coin au calme pour faire ces exercices, ce serait l'idéal. Vous enfermez dans votre chambre, personne ne vous voit, personne ne vous entend. Très bien, on s'arrête. Alors, on va, ça on a aussi déjà fait en classe, vous vous souvenez, quand on inspire, on prend une grande inspiration en levant les épaules, donc on fait exprès de lever les épaules, et après, quand on expire, il y a tout qui descend. Donc on souffle et on fait tomber les épaules. Alors on y va, on inspire. Et on expire. Les épaules se détendent. On les détend encore un peu. Encore une fois. Et on expire. Très bien. Alors, maintenant, on va faire un exercice de respiration. Donc, je vais vous demander de mettre votre main sur votre diaphragme, donc sur votre ventre, plus ou moins au niveau de l'estomac, un tout petit peu plus bas. Très bien. Et on va prendre une grande inspiration. Et cette fois-ci, vous allez vraiment faire attention à ne pas lever les épaules. D'accord? Alors, on inspire et on essaye de sentir notre ventre qui se gonfle un petit peu. D'accord? Pour laisser la place aux poumons de s'agrandir. Alors, on y va. On inspire. Et on expire. Encore une fois. Et on expire. Donc quand vous inspirez, quand vous prenez l'air, en fait vous devez sentir votre diaphragme qui se détend, donc il va plutôt contre en bas, et il va laisser la place aux poumons de grandir. Et quand vous expirez, vous devez le sentir se contracter, donc ça doit devenir un petit peu plus dur vers vos abdos là, pour expirer l'air. Donc on fait la même chose, et cette fois-ci on va expirer sur ch, d'accord? Alors on y va, on inspire. Et on expire, ch. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Ok. Vous gardez la même position et à la place de faire ch quand on expire, on va faire l'exercice qu'on a déjà fait. On va faire le jou. On va faire le court. Donc je vous montre, on va faire jou. Et sur votre main, vous devez sentir la même chose. Donc le diaphragme qui se contracte quand vous chantez. On y va. Et on monte. Et maintenant, on va vraiment essayer de détendre la nuque, donc de vraiment sentir que se contracte seulement le diaphragme, donc sous votre main, et tout ce qui est au niveau des cordes vocales, de la nuque, du cou, tout ça doit vraiment être détendu. Donc si vous sentez que vous êtes un peu crispé, vous avez le droit de rebouger un petit peu la tête, d'accord? On continue. Bien, on continue. Encore dernier. Faire un dernier exercice, le pape pipo pu, hein, vous vous souvenez, pape pipo pu pu pipo pu, on le fait à cette vitesse pour commencer, pape pipo pu pu pipo pu, et on monte, pape pipo pu pu pipo pu, bien, pape pipo pu pu pipo pu, encore, pape pipo pu pu pipo pu, un dernier, pape pipo pu pu pipo pu. On part de cette note là et on va un peu plus vite. Donc je vous montre une fois. Pape pipo pu pu pipo pu. À vous. Pape pipo pu pu pipo pu. Et on monte. Pape pipo pu pu. Pape pipopu, papi popu. Très bien. Pape pipopu, papi popu. Encore. Pape pipopu, papi popu. Oui. Pape pipopu, papi popu. Encore un. Pape pipopu, papi popu. Très bien. Bravo d'avoir fait l'exercice jusqu'à la fin. Je vous laisse maintenant chanter.